Elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Elle prend les hommes pour les allumer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait jusqu'à la fin des temps. Elle n'en a jamais assez d'un, elle cherche toujours une plus grosse flamme. Pour un peu de chaleur, elle vendrait son âme. Elle met volontiers sa main au feu, pourvu que rien n'arrête son jeu. Même si des fois elle se brûle un peu. Vous pouvez bien la prévenir que c'est dangereux de tout brûler. Elle vous répondra que c'est pour mieux regarder passer les pompiers. Et vous pouvez bien souffler sur les cœurs qu'elle a embrasés. Il est trop tard, cette femme fait perdre la tête aux hommes allumettes. Elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Elle prend les hommes pour les allumer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait jusqu'à la fin des temps. Où elle a bien maintenant de quoi faire un grand feu de camp. Mais à défaut de tant d'amants, elle voudrait un seul homme l'aimant. Qu'elle puisse l'aimer en retour et que brûle au grand jour leur amour. Mais c'est plus fort qu'elle, ça lui ronge la tête. Il faut qu'elle fasse craquer le plus d'allumettes. Les mauvaises langues sans l'avoir vue vous diront qu'elle a le feu haut. Chut. Et d'autres vexés de cette fêcheté vous diront que c'est une vraie. Oh mais chut. Mais écoutez plutôt ceux qui ont craqué, qui ne regrettent en rien leur chute. Même si c'est vrai qu'elle se la pète, on craque tous pour elle tous comme des allumettes. Elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Elle prend les hommes pour les allumer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait jusqu'à la fin des temps. Et même s'il n'y a pas le feu au lac, chaque flamme qui s'éteint est pour elle comme une claque. La rapprochant un peu plus du jour, où plus personne ne tombera sous son charme. Mais en attendant, elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Elle prend les hommes pour les allumer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait jusqu'à la fin des temps. Elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Elle prend les hommes pour les allumer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait jusqu'à la fin des temps. Elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Elle prend les hommes pour les allumer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait. Elle prend les hommes pour les faire craquer comme une allumette. Pour les faire craquer comme une allumette. Mais une allumette ne dure qu'un temps, elle voudrait se chauffer plus longtemps. Elle recherche donc assidûment le briquet qui la réchaufferait jusqu'à la fin des temps.